أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كان بي ويسو نيغي يمون تي كونديسيون ييغا خامتاني ني كوي وور كابا جي موم لا ورا رامبلير بن بوتي دنج نك موي داغي وورات moy comme gissone nañu ne ki kon wër bi il faut mu nek set moy da ngay fi ngay commencer lolou non après dinañ ko giss ah moy il faut wër bi nek set ku wëron 6 dem tok fe ne non man 6 lay def tok fe dama man 6 quoi lay def legui yow sax yow ko new baaw budé dam ko da nga faté wala nga djoum lolou xon nañ ni ngay def kon moy mo ne kon premier bi il fallait mu nek 7 djuroom ñaari weur bi ci tagu moy ki weur il faut mu am japp budé ko warona sangu 7 mom day sangu 7 ko amone janaba il fallait mu sangu janaba moy dal day am japp te ay yereem tamit dafa wara lap mais yere yi buy lap tamit budé mom dako faté ba weur ba paré dor ko fatalé ko grawul weuram baxna mais boudé da ko yek bi mi weur mo xamné dañ nan ko daggal sa weur nga dem nga raxasi li ki tax sobe yi dindi sobe bi nga doora weur bi ci tagu 3ème bi moy il faut ki weur mouray awram moy boudé goor il faut mu mour li nga xamanteni moy yi nga xamné comme boy julé rek ngay mo ak jigen tamit la même chose sauf que ndax yaronte bi sallam mo yoni won saha abou bakkar radiyallahu anhu ci bimi moy 9e ane bi man la non mom la ko delegue won mu jite aj bi mu yoni nit ñom sayna abou hurayra radiyallahu anhu ci la won mune a partir de ane bi bu ben bokale kat ajati ndax dañ don bobu yaronte bi sallam dafa ubbi makka mais teewul amna ay yefer yu don aj monala nak bu yonne sayyidina ali radhiyallahu ta'ala anhu pour mu ak suratu baraa suratu tauba ak yoy yonnante bi sallam nelen a partir nak d'aujourd'hui de cette année pour année yi di ñew bu fi ben yefer bokale kat ñewati di aj mais bu fi kenn wërati kaaba gi ba paré def yaramou néna la ñom am na état dañ ko doon def wa néna ñom mieux vaut nga aje yaramou nén que di aje yéré bo xamanténi ni da louche wa kon mu lol moy wané né kon da nga wara sol kon lu jot di ci tagu moy il fallait boy wër nga baña wër ci kanamu moy digënté Kaaba gi ak Hijru Ismaïl moy lool melni arc Kaaba gi dañ ko tabax ni am lu melni arc ben ki bu def ni ben mur bu def ni arc en face ci wétam loolu ku wër digënté loolu Kaaba gi wëro nak lool ci biir Kaaba gi la bok moy li Yunus bin Salam newon budul won newon Yaya Aisha radhiyallahu ta'ala sa wa ñon ñi de muy wa Makka ñi budul won dañuy dooru duggu ci diine ji kon dina toj Kaaba gi tabaxat ko niko Mam Ibrahim tabaxé won ndax ñom biñu koy tabax daño ñakoon financement légui ñom ñu yemalé ko fi sen financement yemon boole wuñ ci lool ta lool ci la won ndax xaaliss bi maye ko won ngir ñu tabax dugulale ko ci biir motax comme que ci biir la nek moy yow boy wër ca gannaawam dang koy contourner ak Shadir Wan tamit moy lool nga xam do lu ndaw la luñ tabax ci souf nga xamne buñuy solal yere Kaaba gi dañ ko ci tak lool tamit bo ñewé di dugg ci ruq bobu non di wër yawi toro mo il faut nga contourner ko légui yu fofu lañ yémon kon wax na ñaata mu nekk set waji am lap ye yereem tamit set set nak waxuma moy mo ki de ndax yere man na set ni deke da am sobe xam nga yere mécanicien bi wa ki nga xamne mécanicien la wa comme Sénégal niñ leen di gissé day leg leg huile yi da ci tak lepp boudé sobé takku ci moy lu jëm ci comme am saw wala yu mel non takku ci moy mom man na julé yéré bop ta pourtant kumu laal mu tak tak xam nga lolu moy sobé ak set ak yéré bu liñ diddé set ñun bokul moy né yow yéré mécanicien bop ci nit ñi ni bo waxé dañ nan dafa tilim mais lolu téewul mu mëna julli boudé takul sobé alors que yéré man na set wécc ñu génné ko légui ci machine bi wër ko ki ko sèche linge ko bam bax sèche ko ci ki bi am ben xalé bu ñew saw la wala nga ki yow nga bayé ko non moy né wala bok nga jaar fi am ben way mom bu waya di tok don saw sawale la pourtant yéré bi set na mais côté bobu non dafa am sobé lool nak il faut ga dindi kon moy kon yérem tamit il faut mo set mais mu wër mu baña wër hijru ismaïl mu contourner ko ak chadir wan benen bi ñun fofu la ñëmon benen bi ci tabu ci condition yi moy ne il faut waji buy wër voilà mu takalo moy wër yi day takalo manuma ne manuma wër de après ma tok feulé boudé da nga sonu man nga tok lu gatt lu touti après nga reprendre des forces nga dem lol grawul boy wër tamit ngay wër ba ci yag nga né tiens sama bagage yi sa ay fi mako té gourul mais mu nek ci bir kaaba gi ci mosquée bi mosquée pas ci bir fi lu ñuul lol ñu tabax lol non ci kaaba gi ñu ko non mosquée bi mu leer ne fiñ ko def nga ne xaaral ma dem jëli ko bo démé ñëwaat grawul mais tamit nga ki ngam ngay wër nga mar nga gis fé ay cop yuñ tek ak ay kaas nga dem ay ki bouteille nga dem naan ñëwaat grawul mais yini bañ moy comme may wër ba ci yag ma gis na ben way bu taxaw rek après ma dem waxta au lieu boudé sax dank xam nga lool sax waro ko def mais nga tok fo ay 10 minutes 15 minutes way naka gay yeen fan ngeen nek ban tante ngeen nek non kañ tok fi waxtaan yow dama la gëjë gis mbokk sénégal waw ngeen tok di waxtaan ko waxtaan yi gay tok rek yag après bo ñëw dañ nan la wëratal ndax dafa warona almuwalat dafa wara takalo coupure yi ñi ki wala nga commencer bi grawul nga commencer di wër rek ñuy julli farata bu la léré né bo continuer premier akabi dina la raw dañ nan la légui arrêtel ce wër gi nga dem julli ji bo paré da ngay do commencer do recommencer wat mais fi nga yémon bu doon 2 nga jotta def da ngay continuer 2 da ngay compter 2 jëm 7 kon ñaata lay déssé 5 ah boudé nak comme dañuy jullé néw fofu yow nga commencer di wër ay nit nga fa yow do dag sa boss ndax julli néw ñeneen ñi man nañu ko def sa place alors que boudé yow rek ka fa nek walla il faut yow nga julé ko commencer nga moy yow dang koy julé xam nga lol sax man nga xaar walla ku nga xamné dafa commencer wër ilimanu aljuma jouru aljuma imam bi dugusi bu imam bi dugusé mu déssa ko ben mu xamné buma wëré bala imam bé commencer ki man nako fé jéxal khutba ko dañ nan ko continuer sa wër mais bu dé bu imam bi commencer khutba bi day du baré bu imam bi commencer dañ nan ko arrêtel moy né kon wër bi il faut mu takalo moy manuma ko def coupure ngand bu dé la man koku ku sonu taxaw touti nopalu touti continuer ko grawul ak yi mala wax sank nga mar nga out lo nan ndox wala say bagage ci bir mosquée bi nak boudé ci biti la bo génné mosquée bi moy dag moy yakku moy coupe ko lu mel non moy coupe moy yow bo ñëwaaté da ngay recommencer wat kon lolu tabit ci condition yi la bok légui kon condition yi yoy la kon condition yi moy yoy pour ki nga xamné day wër légui mu dess am nga lañ néne won condition yi lolu moy lan condition lan lay jariñ moy buma ci yaqé ben tama tay ko par exemple moy né man sama tawaf baaxul damay defat budé man dama ñew né non man mom luma japp fen ah tayi na dem fi nan damay japp eh nañ wër après nga wër moy yow kon sa tawaf ndax yala nbi sallallahu alayhi wasallam lolu waxon yaa aisha bu ne ko bul wër defal li ki aj di def yeb sauf ko bul wër kaaba yi yow nak budé ya ko tay yoy moy yi nga xam nga julli dañ nan la bo duggé ci julli yi da koy yaq ye tamit même chose la boma commencé sama ndiap toj dañ nan lu demal nga jappi yoy lay jari buma wëré comme dañ leena da wara takalo mo wër 6 tok feulé 10 15 minutes 20 dooru ñëwaat dañ nan la recommencer wala mo wër ba paré dégg ben lu xew feulé may daw di sétani yagg fa am mo sétane ba paré di laaj nan la démé ñu may expliquer ma tok di ci après dañ nan le recommencer kon charti lool lay jari légui kon mu dess yi nga obligation yi xam nga wër dañ na la ponk la comme niñ gissewon ci ihram yene bi xam nga yene bi biñ ci aggé waxon nañ la condition yi waxon nañ la tamit né da am ay obligation yu and ponk bobu wër bi tamit dafa am ay obligation yi nak moy bo ci bayyi il faut nga rendi ben gatt ben ci jurdi mo xam nak wala gellem wala xar bi nga ci tan ben nga rendi moy yo il faut moy yi ñi rendi par tabaski rek waaw yoyu nonu il faut nga tan ci ben legi kon lool moy obligation moy bo ci raté ben xam nga ci yene bi dañ newon comme talbiya ñaar la won ci yene bi ñaari obligation la amone moy sama façon tol ko gi may sol man boudé gour la sama takki sen tour dor ay bot dar ay jiin ki yoy dama koy dindi lol obligation la benen bi mo ron talbiya ci yene bi yoy buma ci bayyi waxon nañ ni ngay def yi nak dafa am tamit obligation weur bi mom nak obligation mom ñett la ñetti obligation xam nga beulé ñaar la mon yene bi ihram bi nak weur kaaba gi bi nga xamné ponko la man da ñak ci ak ñetti kon ñetti obligation la bi ci ñëk moy bu may weur il faut mo commencer fi hajarul aswad nek moy pierre noir fim nek fofu lay tambalé manuma tambalé fenen buma ñëwé tambalit avant pierre noir moy yeneen côté yi ba ñëw ci pierre noir soit dañ ma nan légi da ngay fa sa xol nga sanni lolu do considérer li nga jotta daw pour sa daw bax comme tax nga pierre noir légui considérer na yi nga jottona daw baxul boudé nak yow da nga ñew ba dépasser ko tambali moy yow sa goor kaaba gi baxul moy dang koy defat ta boudé nak da nga ñew defoko moy nga commencer après mom nga wër ba paré après nga dem sa yoon moy yow comme que ponku bi nga baye moy wër kaaba gi yow da ngay ñëwaat bu fekké né wëru bi nga wëré loolu bi nga wëré comme tawaful ifada mom lañuy wax moy ponku bi moy bi ñuy def 10e jour bi budé da la raw 10e jour bi nga def ko ci 3 jours yi ñëw après mom budé nak da la raw fofu en tout cas nga fexé ko def bala wër wédé wëru tabaski yaw nak boudé ponku bobu wër bobu biñ koy commencer dang ko commencer fo la neex commencer woko fiñu ko wara commencer ta lol obligation la nga commencer fofu légui dañ nan la après yaw nga ñibi te bi nga ñibé wërato benen wër yaw da ngay ñëwaat moy né dañuy considérer né wëro won ko ho il faut mu ñëwaat légi nak boudé nak dafa wëron benen wër bu mu wër après bimu défé bu farata bi après mu ñibi door ko fatelé ku lool grawul mais beulé né moy bu ñibi bu ñibé yegné da am lu mu ki won da koy defat ba paré mais il faut mu rendi ben gatt soit mu rendi ben ci jour ji soit nak wala gelém wala xar moy bu dé mom dafa commencé fenen furul fof ba paré ñibi té wuratul won wuruk nafi la après sino bu ko défé grawul dara du ko ci fék légui kon première obligation bi moy da ngay commencer fi pierre noire nek fof ngay commencer boy weur nga commencer bo ñewé ba ñewat ba fofu moy 1 def nga ben non ngay def ba mat 7 kon lool moy première ki bi benen obligation bi nga xamné dafa war nga war ko def képp kuy aj kuy weur kaaba gi da ko wara def sino weurum baxul moy né ginnaw bi nga xamantene commencé na fofu pierre noire amul commencé yi ci yeneen yi ci dess de yeneen yi ci dess bo ci commencé moy soit boudé avant la ni nga wax li ma wax sank ngay def da ngay baña baye xel li wessu wala boudé dang ko wessu mom doora commencé dañ nan la delu moy li nga def baxul légui deuxième obligation bi mi nga xamantene ni boko baye moy ne da ngay rendi yiñ la wax ben ci yoy moy ne da nga wara dulli ñaari rakka yo xamantene ni ñom dang bo wure ba pare ñom dang leen di julli moy ñaari rakka yi ñu xon yi nga xamne day and ak tawaf ndax yoyu nonu man da ñak moy da tay takalo ak ki bi bo wéré ba paré ngay julli ngay julli ñaari rakka yo xamné day takalo ak mom moy manuma né manuma wër ba paré def limay réx yépp dem té julli wumako dédé ndax julli bobu non ñaari rakka yo ngay def après maqam ibrahim alayhi salam budé nak ndax lén amna moy budé dama ñew maqam ibrahim mu fess xam nga andi imaginer yow nga xam lool kenen ni ñen baré ngén fokk né maqam ibrahim yeen ñep di ñen fa xaj day fess da xam nga du ngén ko man fu ngén ko def ci jakka ji baxna bu jakka ji fessé sax boko défé ci biti baxna loolu pour bañ ay bouskela di indi yenn dié yu bari il paraît cette année dañu wañi même le nombre de pèlerins wa gis na ko demb RTS wa di diko wax commissaire au pèlerinage mune ñu ne si dafa ndax ñu ne parce que y a des travaux voilà dafa may travaux lañu wa ñu ne y a des grues partout si si mais c'est bizarre xam ba ndax nonu dekk bu ne dañu wañi la ñom ñoo gëna xam ni ñi def mais c'est de sûr que buñ ko mënon def benen ki avant lolu moy dinañ ko def xamna tamit ay julit lañu yu xam tamit ni ñuy def moy ñom xam nañ li tax ñuy def xeyna la di man nañ ko commencer sax après ak jël mais dafa yag ouais il le faut pour sécurité ni bu dé lolu voilà ndax tamit ñene ya des groupes faut pas prendre des risques ndax di ki non wa lolu gis na ñu wone ki image ouais gis na ay yu bari sax bare na affaire bi kay do role chantier la gis nga lool ci waneen dañu wañi gaay bu baax dañu wañi non de pèlerin dañu wañi nombre de pèlerin yi ñew wa ñu sélé la xawma 10000 et quelques par an ñu doon dem légui autorisé def leen 8000 wa 8000 ah non la ah chaque pays ah de ligéy yi mom moy tamit yoy tamit ci la moy il faut boudé day nara indi djéyé mom nga défarat ko même boudé da ngay wañi ñenn ni ngir yenen ané yi mu gina dox gina bana bari tamit ba tamit dañuy yaatal lo xamna way yoy tamit yu am solo la ñu ney fi 52 degrés là-bas à la mer ah wa lool la wax dégg na ko 52 degrés wa ci aji neena côté yoy lay nek mais makka lol moy règle bien makka lol moy règle général bi sax mom kay ngane ma wacc na mu ngi 40 lol mo graw lol mom du règle mais ay 50 moy lu normal ay 50 45 djum kaw wa dekk yoy ndax dekk tangor la le kutangor lu nonu lo kon fuñu yémon sax woor bi quoi julli ci ñaari rakkay bo woré ba far ah wa obligation c'est ouais julli ñaari rakkay moy né wax nañ ki no commencer pierre noire fi nek wa wa ak julli ñaari nu mu tuddu ñaari rakka bi nga wéré ba paré paré bo julé ñaari rakka lool la la wax ni la maqam ibrahim budé dafa fess gaay dañ fa yow foko julé ci bir jakka ji baax légui mu dess mais budé man wër bobu dama ko wër après ci takusan am ba après takusan dañuy téré ku ci nafil budé ci ngiru imam malik rahmatullah alayh ñom dañ nan la boko woré après ta bayil ba timis bi julé ko lool bayil ba amna nak ñeneen ñu wax leneen amna yeneen ngir yu ne mom dédé dang koy julli mais ñom dañ nan la ndax tamit jëlé nañ ko ci yaa aisha ak sayyidina umar radiyallahu ta'ala ak abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhum ñom dañ doon xaar ba tu len la jonne tamit lolou lañ la doon wax ke nga xaar ba après timis comme ku wër takusan après takusan wala après buñu julé fajar xam nga buñu julé fajar tamit dañuy téré ku nafil ñom lolou lañ doon wax motax budé ci ngir bi dañ nan la nga bayyi ba timis après nga julli ñaari rakka yoy ta duré bobu grawul xam nga ñaari rakka yi ak ki comme que ben jaamu yalla lañ len di considérer wër geek ñaari jaar ak ñaari rakkay ak ki nga xamne day daw tamit surtout wër gi ak ñaari rakkay dañ len di considérer comme ben ouais et amna le mo comprendre c'est calendrier bi fofu ñu def heure bobu ñu def suruk la suruk wa suruk moy bu ki bi ça fait déterminer temps bi fajar bi ak mo suruk moy bu ki bi à partir de là c'est-à-dire da fay woné fifa fu ngay julli bi yam wala comment non shuruq bo gisé moy bu ki tante bi genn wala voilà buy genn non moy xam nga fi dañ nan le lever ak coucher boy xol météo ouais lever ak coucher mom lool lay wax du lool moy heure bi le lool du heure julli wa xamna ko fajar be jitu xam wala fajar be jitu ngay ji gis fajar be ba pare après nga gis turu bi way bu jant bi di genn heure bi mi genn ah c'est ça way legui nak moy par exemple ko xamne comme tawaf bi wa ku ñew nga tawaf après fajar ñom dañ nan la budé ci ngir gi dañ nan la legui ñaari rakkay nga wara julli ñaari rakkay tawaf yi bayiko ba jant bi genn bu jant bi genné ma nga tek ci lu mat ay 5 minutes à peu près après nga do ko comme rek fajar comme bu la ñaari rakka fajar yu jëk yi rawé na après moy yi ngay jëk julli yu gatt yoy lool du farata ñaari ngay julle fatiha voilà yoy bu la rawé comme ma ñew ci jakka ji ni imam bi commencé julli wa duma fi nek di julli lool ndax damay raw damay dugg ci imam bi julle ak mom bo paré ngir bi da nan la man nga bayyi ba ab bu jant bi genné nga tek ay 5 minutes yoy nga dor ko meuna julle ah mais tamit kepp ku ko julle juste après bu imam bi selmale tamit lolu tamit dara newu ci kon wax na ñaara ñett lañ waxon ñett obligation wax nañ wër bi commencé fi pierre noir nek après julli ñaari rakkay ak ñettel bi j'espère que pierre noir bi c'est à dire ak nit ñi fuñ mëna toll yi le verront pour ah fi muy commencé bi ngay comme nit ñi ni muy bëri non wa pierre noir wa ni ko xam on arrive ouais non du di ko xam xola affaire bi dafa melni xam nga du lu ndaw kaaba gi du lu ndaw ta ay coin la ya quatre coins voilà quatre coins la coin bu nek dafa am peut-être boy il doit même mettre quelque chose qui fait que tout si am na ni invité ki da mom fim nek dafa yomba xam tamit ndax da ngay gis pierre noir nek côté bobu rek mo mel non ci kaaba bi nga xamne ben dañ ko ben lu ubeeku li la après ci bir fofu fa la pierre noir nek da am nak luñ def comme lu koy protéger né sino nit ñi lañ koy sacc dem sen yo na gaay rek gaay dañ koy jox ah det am nañu ko defone di am gaay dañ koy def pierre noir karami tay tojé won nañu ko yobbu ko gaay jël ko yobbu ko no gaay lu nek lañuy def de dañoo faalé dara gaay yi lepp gaay yi dugg ci ay nit yu dugg ci bir mosquée sacc kamil yi dem sen yoon ko ko passé wé ko mais nit ñi c'est que lu ko lu nit ko xalaat lu bax ki rek amna tamit ko xamne xalaat na le contraire ouais c'est ça tay il suffit ñu am occasion def ko rek dañ koy def kon bu ñëwaaté ci suñu condé ci ñu obligation yi kon wax nañu nu mu tuddati commencer pierre noir julli ñaari rakka moy mom lañuy wax rak'at at-tawaf yoy nak sopu nañ bokoy julli nga tari qul huwallahu ahad non qul ya ayyul kafirun qul huwallahu ahad ku koy dem di julli ji tam bo mané nga né wattakhidhu comme li al-quran wax wattakhidhu min maqami ibrahim musallan ta ngeen jappé ki la station de ibrahim alayhi salam julli way ku ko wax ndax al-quran lolo ko wax baxna ko waxul tamit yaqul dara nga julli ñaari rakka nak yu gaaw lay doon moy ne do fa nek di julli ju yagg moy dank day gatt ndax qul huwa qul ya ayyul kafirun qul huwa rek ngay julli ngay tari après sopu nañu ko ku tari leneen baax na li moy dañ ko sopu yiñ nan sopu yeb du obligation kon legui troisième bi nga xamne obligation la ku ko deful da ngay rendi so yenn ci yiñ la waxon sank moy fatte na ko sax ñewul commencer pierre noir après mo way yemina xeyna di ni ñor après légui ni ci def moy inshallah légui moy kon condition yi di obligation yi manan ndax condition yi paré nañ obligation yi kon ñett la ben bi la faté mi xaw mom alhamdulillah ya kaama di ni ñewat kon yoyu nonu moy man da ñak moy ku ci raté ben dang koy répa dang boudé ya nga fa moy ñu wax sank boudé par exemple commencé au pierre noir wax nañ la ni ngay def bu réparer ko boudé ya nga fa avant dang ko def ba dem fenen comme ay arafat non pas arafat après minan yoy sa xel dem ci légui yow bo wëraté bo ñëwaat di wër pour tago wala boudé wër nga pour tago nga wër normalement nga dem ba sa kër Sénégal wala fenen nga door ko fatalé ko koku mom graw mais ndax dañ la né boudé dafa wëru numu tuddu wëru nafilé boudé dafa dem ba kërëm fatalé ko fekk wëron na wëru nafilé bu jaar yoon après bi mraté beul grawul mom non lay def légui nak mu dess légui ndax li sunna yi wala ma lañu dugg ci ndax dem bëggono histoire nu mu tuddati tabakh kaaba gi ak ma o zamzam après ñu ñew ci sunna yi xamna lool moy tane légui comme ko ñu ngi ci kaaba gi légi ki lan motax ñuy ñew fofu ak kaaba gi li tax ñuy ñew waxon nañu ko ke ne maam ibrahim alayhi salam mom la yalla neewon wotel ci nit ñi dinañ la dikkel ñi di dox joge fu nekk gox bu nekk motax buñu accé ñu nan labbay kala wuyuna la légui kaaba gogou mom nan la démé raison ni suharam lan la kaaba gi sharrafahu allah yalna ko yalla yokku teddangi ak yaronte bi sallam dané day netali ci hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala wa ci sahih imam bukhari netalina fa rahmatullah alayhi moy netalina fa naka lañ tabaxe kaaba ji histoire kaaba gi legi ñun ni ñuy commencer moy ñaata étape ñaata yoon lañu tabax kaaba gi kaaba gi comme ni imam nawawi wax rahimahullah ci bi mi shara sahih imam muslim imam nawawi rahmatullah alayhi dane borom xam xam yi de neenañu kaaba gi tabax nañu ko ci 5 fois bu ñëkk bi malaaka yé ko tabax malaaka yi ñoko tabax lool moy mom version bi da amna yeneen wax yu bari la ñi ne mam adama ne ñi ne nono malaaka yi ñi ne delit ci alayhi assalam doomu mam adama moko mais mom limu tan te tamit moy ne malaaka yi moko tabax moy lim wax nonu ne borom xam xam ni nenañu kaaba gi dañ ko tabax ci 5 étapes moy 5 fois bo waaw pas 5 étapes bu ñëkk bi malaaka yi ñoko tabax ñoko yow sûrement dessiné ko quoi voilà tabax ko ndax kaaba gi fim nek dafa am ben kaaba bo xamne mo nek ci kaw copie conforme kaaba gi dañoo bokk même position kaaba go ki kaw bu don wad ci kaw kaaba gi gi nek ci sou fini mom lay dal direct lepp ci kawam lay dal ta kaaba fofu nonu bu malaaka yoyu jour bu nek 70000 malaaka dina ko weur te ko weur du wara xolal ba jour yi amé ba lé adina bi yom avant lolu ba lé ni kon motax yalla ne wama ya'lamu junud rabbika illa huwa sa soldari borom sa ken xamuko kudul ñom ta lol malaaka rek la amna ñeneen moy yalla amna leneen bu lu bëgge duma wala bu bëgge duma nit c'est facile ben yo rek man na la yoon mu fa gagal comme niñ dawon namru legi mu ne malaaka yi ñom ñoko jëk ta wax après biñ ko tabaxé affaire bi dafa mujjoon demat moy rouge da fa mudjon danaka batine bo ñewete do fogu wi dara gi fi won ndax il faut pas fatene toufan moy deluge yonent yalla nuh bi fa la ko fek tamit fek na ala sa waaw comme que malaaka ye ko tabax moy avant moy fa la ko fek tek ci ak ane yi don rombu yeb da fa mujju affaire bi même doto ko gis bo fa jari ni da ngay fogné fi xam nga lég lég mu dal la ci yenn terrain yi nga dem ben deuk bo xamné da ngay fogné fi alors que bu maçon yi commencé gas lañuy gis ay deuk fi ay gaay fi deukone des ruines là voilà des ruines là comme bo cité romain yi wala même ay sénégal nga ki gis ni fi nekki amna ñu fi mësa deuk bax sen ki ya ñi tabax yi kaaba gi nak non la déxon moy biko malaakai ñoko ñëkata après Mam Ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam mom moko yekiti wat ndax malaaka yi ñom ñoko fondement fondation yi ñom ñoko tek ñoko ñom lepp ñom la sauf que dafa demone ba lolu doto ko gisee legi nak sayyidina Ibrahim alayhi salam mom nan la indi nan la lu ko indi fofu ndax de koulone fofu ouais c'est ça mom de koulone mak ndax sayyidina ibrahim alayhi salam mom côté iran la de kon babylon après histoire bu gudd bam ñew jerusalem moy bi ko nambu sonale ba ki ñu sann ko ci safara ci bam genn après mu ne inni muhajirun ila rabbi après mu and ak yonenta allah lut ndax yonenta allah lut ki Mam Ibrahim nijaayam la alayhi assalam après biñ ñëwé feulé ci Sha moy ard Palestine terre la Palestine fofu la nekkon fa la dem bimu démé mom mu dëkk Jérusalem Ibrahim mais Jérusalem nek loon Allah dé da am ñu fa dëkkoon moy du Allah bu né won gi après moy dafa gaday ñoo fofu légui bimu fa nekké ba am fa njabot ak lepp dafa amone soxnam ndax amone na soxna sarata alayha assalam soxnam su ndiek mais sarata sittatuna sarata mom amul won alayhi assalam amul won dom ak mom legi mok sara alayhi assalam biñ andé di dem di voyage ñuy dem égypte ñu wara jaar égypte légi nak pharaon na ba fa néwon mom lén la doon def képp jigen gu fi rombu rek gu gina rafet ci ku ngeen jigen ju rafet ñu ngeen gis rek andi lén mako bu ko défé ñoy fanan tay mom non la doon doxale am nga bandi mom bo nekké bandi rek ah moy mom dëkk bi yeb di puissance la ñoon pharaon yi ngeen andil mako té comme que sarata radiyallahu ta'ala na dafa amone ta mu and ak sayyidina ibrahim alayhi salam legui nak garde yi gis ko ay dañ nan dagu bour ñu ne he ki mom tay mom il faut ñu yobbu legui ñu ko yobbo mom mu def ay ñaan ak sayyidina ibrahim en tout cas histoire bu ki bam genn ci legui nak té bour bi muju ko def dara mais après bour bi nako may ko ben jambu jigen may ko ibrahim voilà kok muko non sarata lako mayon ndawsi ah d'accord muju le beggon ci mom muju ko am wa mais mu ne ko mais jeulul ki jambi wa tay yalla dafa mayon dafa defalon sayyidina ibrahim alayhi salam fim alayhi salam fim newon mu don xol image mu don xol li xew mo bour bi après bour bi defuko dara après mu ne ko ndax mom da don ñaan tamit ngeen muslu ci ayu bour be yoy ginaaw bi mu jappé ba par li wané né japp kon amone na avant l'islam di ñew en tout cas yonent bi sallallahu ndax l'islam mo fi massa nek avant yonent bi sallallahu di ñew légui ñu ne kon bim len maye mu may hajara ki bok soxna imam ibrahim mu may ko ben jambu tuddu hajara hajara bobu alayhi salam mu an alayhi salam mu and ak ñom ñu ñibi jerusalem ilia moy terre de palestine legi bi ñu ñibé ñom ñu tok ay ñu togaat ay ane yu yag sarata ibrahim alayhi salam amul dom ba legi légi ndawsi awam bi nako comme comment sama jab bi mo bour bi mayon légui dama la koy may nga djel ko nga def ko soxna xeyna yalla may la ci ñom dom légui nak li yalla lay def moy mu may mu am ak mom dom joju tuddu ismaïl avec la l'autre waaw l'autre jambi ki nekkon kiñ ko mayo nako ci dom ko mo tuddu ismaïl alayhi salam après nak xam nga rivalité ci xol mom doy ki waaw légui nak awam bi nak affaire bi mu xaw ci jalous waaw manatu la dal nek ak ku ndeuk ki jaamam bi mayon ki ak domam ji mom yag na fi mu amul dom ki am dom ni légui mom manatu fe nek légui manatu ñu nek cohabitation bi difficile maam ibrahim alayhi salam jël len ñom mok dom ji après indi len makka ndax yalla ko won waaw ke na len yobbu ben dekk bo xamne dara nak amufa du ndox ay animaux féroces ño nek ci wedi ay montagne la ay dara amufa désert la bo xamne ndox sa amo legui sayna abdullah ibn abbas hadith bi nek imam sahih bukhari rahmatullah alayhi muné yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dane Imam Ibrahim alayhi salam dafa indi Hajara moy soxnam soso ak domam ji Ismaïl indi len ba Makka mu baye len fofu mu indi len tegal len lo xamne njaqku tandarma moy lo xamne tandarma lañ ci def ak ndox ak lenen ndox ngim ñu dundu ci mais lolou du tenir lu yag mais dal ñu jappandé gul ci après mu baye ko fo mu baye len fof après mom mu yegg di dem neena hajar alayhi salam wo ko diko laaj diko wo mais tontu ko won da xamulon exactement ndax yalla ko diyal après bim ko laajé wax mom ba sonu tontu ko mu ne ko est ce que yalla la digel nga baye ñu fi mu ne ko waaw légi nak ndaw sene kon de mom duñu sank buré moñu fi baye man nga dem demal ñun mom du yalla la fi mo la ne nga baye ñu fi moy duñu sank ñun lool assurance bob mom yalla du sank denkané légui bimi Zeyna Ibrahim continue di dem alayhi salam bam démé ba ag saniya moy ci buntu makka non bam xol kenn gisuko gisul kenn ci ñom ñaar après mu talal ay loxom di ñaan ci la ne rabban rabbi inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram ci la len ñaanale ñaan gu am doole gog nga xamne mo dal kep ku dugg makka ba legi mo dox façon furu yi ngay gis ci adina bi yeb bo deme numero 1 bi ngay fekk makka da pourtant ñom ab désert la ouais c'est vrai li ñor fep fof lañ koy indi ño ci ñeuk am ta pourtant désert la ouais xewal yef fof lay ñëk yow bala dem fenen mune yalla talal loxom jëm fi côté kaaba gi nek man kat dama dekkal sama wañon ci xur wo xamne endroit bo xamne ghayr zizarin amul daralu fi sax inda baytikal muharram fi sa neeg bi nak nek bi nga xamne dañ ko wor man mono nak yalla nga def xolu nit ñi ñu soppulen ñom motax nit ñi ñepp ku dekk makka ni makka ñoo nekk gaay dañ leen di sopp adina bi du nit ñi dañuy sopp ku nekk ma imagineer bo taxawon nga gis ben way ngay dox ba ci yag ngeen dajje ben soxna ci metro bi ngeen di waxtaan ben naar wala ngeen di waxtaan ngeen ko mais vous habitez d'où mune ma j'habite mune la j'habite à la met moy di nga am lo yeuk bu la newon jabit a fele de tout de suite le respect déjà ouais c'est ça ouais moné defal ci xolou nit ñi nga xamné day jeng jëm ci ñom di len sopp da nga len wërsegal len ki xétu meññé fi am yépp bu ko défé ñu gën la man la sante légui bimu défé non mom mu dem ba benn jamono légi bim démé non lam leen fa bayil tandarma yek ndox ci lañ nekkon di lek ba affaire yi jeex bi affaire yi jeexé hajara sayyidatuna hajara mu mar ndox mi jeena dara amu kenn nekku fi mu mar dom ji mar te xalé la lire la ab presque lire voilà légi bim ki wé manatu la nek di xol dom di muy joy ak mar légui mune man xara ma xol ndax dina gis kenn bok waaw mu joggé marwa moy mu gis ben montagne muy marwa mu yek fa fa commencer ngir xol ndax dina gis kenn gisul kenn après mu wacc montagne bi daw ba ci biir ki bi entre ci vallée bi non gisat benen montagne bi mune na yegat ci bi ci dess muy non safa la commencé safa manam maro safa le ñeuke yi xol gisul ken mu wacc gis marwa mu yek ci marwa gisul ken après mu koy def ba 7 fois bim ko defé nak 7ème fois bi ba axe wat safa mu jekki deg ben cadeau ah mel dam koy wo mu xol mu gis ben nit ko yor formu nit mu ne ko yaw la nit ki ne ko yaw la yaw ne ko yaw ndaw si yaay kan yaw yaay kan mu ne ko man may doomu yaayi doomu Ibrahim yaayi doomu Ibrahim moy xale be doomu Ibrahim la man may yaaya man may yaayi doomi Ibrahim ouais moy neewuko man may diiw man may haaja dede legi malaka bi ne ko fekk malaka la nit nit la ni lay gis ne ga me ne ke jibril la alayhi salam muneko muneko kan la len bayil fi sa ko nga ne mo yur sa doom kan la fi ba ibrahim muneko yalla lañu fi bayel muneko de bayel na len ak ku jara baye e mbir legi jibril alayhi salam fek fi muy wax fi mu ko gisee mo ngi taxaw fi fi zamzam nek mais zamzam amagul won jibril alayhi salam dugal ben kiwam lafam ci souf si après mu bënd bim ko génné ci la ndox mi commencé ball nak légui nak ki mu dem hajar alayhi salam mu ñew nak def genre contourner ki bi pour ndox mi wërele ko non lool motax mu yem non yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne yalla na yalla yeureum hajar mom de bu bayyi won lool bu bayyi won ndox mi kon dina nek ndox mo fepp lay fofu yeb day nek ndox légi mu nan ci ba man loolu moy lool fofu la lool moy zamzam biñuy nan ba légui bobu la ubbe ko ba légui man du fay ça coule tout le temps ouais ça coule tout le temps ouais ba légui jibril moko alayhi salam moko bënn moy yoni wuñ ben way ne ko eh yeen bënn katu téti dem leen wër wo wuñ ben forage ku jaggi forage dugg ci ay université dédé ah ouais c'est parfois zamzam voilà zamzam béni ouais si, si. C'est ça légui biñ défé lool benen sayna ibrahim alayhi salam mu ñëw fa ben jour fekk après entre temps nak yaay ki yañu non moy peut-être ñu won na fa yenen mais dal li hadith bi ki netali bi légui bi waaw bi téen bi amé kon ba lañu ñëw ci yenen yi moy yi dess yenen état bi moy ne mam ibrahim alayhi salam moy zamzam wa dawa bi nga xamanteni ni ci lako jibril alayhi salam defa bonne nonu ba nga xamne ak liñu wax lay legi comme que fof désert la won legi kon moy amna ndox am ay tribu yu bok ci jurhum tribu ay nit yu bok ci tribu jurum ben tribu la comme rek da lawone tribu de wolof wala suerer ainsi de suite ñuy fekk ñu ron rombu fofu danaka chaque jour ñu rombon fa di outil ndox ak lo xamne mom lañuy dundé comme ndox ak yoy ndax da fa ñakoon biñuy dox non ba ci yagg ci lañu gis ay pitti yu bari te pitti yo xamno ñom lañuy tektalé fa lañu bari moy luñu nan dafa nek ndox dafa nek ñoo nak ñu nek ñu yoni am ñu yoni ay boy ne len dem len ngeen xolal ñu feele picci yele lan mo fa xew moy seen yenn ngone yi biñu deme xol ñu ñew gis fa ben jigen ak ben domam hajar ak ismaeil alayhi wassalam gis tamit tiem bi fofu ñu gaaw daw wax ko seen sang yi leen yoni muy wa jurhum ñooñu ñooñu bokku ci ngir jurhum ne leen de amna ndox fekk nañ fa ndox fekk nañ fa nak benn jigen ak benn dooma legi ñoomi ñu ñew bi ñew ñu gis haja alayhi salam ñu gis ko ne ko ah ñaan ko permission ne ko ndax manu ñoo dekk ak yow ndax ñun ci wër ndox lañ dekk dañuy wër sa su ne dañuy wër ngir am ndox te fi ni yag nañ fe jaar amul won ndox ndox mi xam nañ ne ya ko mom legui nak est ce que manone di nga ñu permettre rek ñu dekkale ak yow mom mu ne len waaw bu len nexé mais nak a condition que ndox mi mom du ngeen ci am ben dogal man moy zamzam te nu zamzam man ma ci am dogal lu ma ci wax samay politique mo ci dox moy ne dal ndox mi mom lin duna du ngeen ci nan du ngeen ko utiliser mais entretien be ñi nga xamne mom mbir mi mom man lay doon ma koy yor ñu na waw ñom ñu d'accord ci naka nonu ci lañu dekké fofu nonu dektalé ak sittuna hajar ak doomum jojé di ismaeil alayhi masallatu wassalam légui nak biñu dekkalé ba xeyna ay temps entre temps hajar alayhi salam mom genn na adina c'est sûr du ñak ne xeyna mom don na fa jaar moy ne ki ma ibrahim alayhi salam ñewaton na fa xeyna la tamuy gennal na way li hadith bi wax dal moy ne après moy hadith abdullah ibn abbas bi ñu wax sank radi Allah ta'ala anhu ma nga xam non ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullah mune ma Ibrahim alayhi salam dafa tok benn di moy benn periode benn moment mu joge fele ci Iliad ard Canaan ard Palestine joge fofu Palestine ñew set ci domam ji muy Ismaïl alayhi salam bi mu ñewé set ci ko fekk nak magna entertain magna ba am soxna ba am keur mu ñew set ci ko mu laaj ko bi mu accé mu nuyo fekk fa soxnam fekk Sayyidina Ismaïl alayhi salam mom dafa gël non mu ñew nuyo waya fam bi yor ay tontu yu gatt mu nuyo na ngeen ndak mu laaj ko nan ngeen di dundé fi fam bi nako dundugo metti fi kay dundugo metti lañu dund bu metté metti mu na lan moy seen ñam lan ngeen di dundé mu na kon nu dal ndox ak tandarma rek mom dal biñu waxé non ba ci yagg ma Ibrahim alayhi salam jog mom né mom mu ngi taggo né mu ngi dem mu ngi delu nga gis ne xolal desert bi fo xamne bo joge Jerusalem bala nga ag makka ñaata wer ngay def ci yoon ñew setti sa dom fekko ko fi ben jour nga ñew dafa genn rek moy dina ñewat c'est sûr après mom mu delu nono bi mi delu nak mo ne ndaw si bu sa borom keur ñewé gané ko buntu keureum gi ni nako changer on a changé na tokhal buntu keur bi on ko waw legi nak ñu tagoto mu dem ñibi bi ngone joté Ismaïl alayhi salam c'est na Ismaïl alayhi salam ñibi si mais bi ñibi sé melni sentir na né amna dal ku fi jaar ci kaw lolu ci la né soxnam si nuyu biñ nuyo jamma sante après mu né ko kenn jaaru am bi nako waw amna ku fi jaar dé amna dal ben magget bu fi jaar gennu goor dal ngou fi jaar ñew di laaj ay naka lañuy dundé naka lañuy kiwé suñu dundu nan la démé ay man dal tontu nako wax nako mu nako wayé nak mu nako lool rek la wax waxula dara mu nako waw bi mi dem nak néna no sa buntu kër bi dal néna mo sa borom kër ni né ko buntu kërëm gi nang ko changer nako changer ci kaw loolu ci la ko né ah ne ko reska xam nga ko moy kan mu nako dedet mu nako koku moy sama baye moy Ibrahim ay sa ta xam nga li ma wax nonu moy lana mu nako dedet mu nako lan la mu nako neena yow mi na la fas lol moy changer ce buntu keur moy ne na wacc ndaw si ndax ndaw si gis na ci mom jikko yo xamanteni ni njabot bu bax amana yalla du ko ci genné ta comme ko yonentou la rasul sen firasa day dafa taw moy ne ci kaw nono nak mom ci lako baye ne ko koku moy sama baye ta lum ma wax lol lay def lim mané nak changer su buntu keur bi lim ci djublu moy yow mi ma fassela ci kaw nono ci lako fassone xamna nak heure bi jonne kon xamna dañuy fexé yem ni inshallah ba bi di ñew bu ko defé ñu continue ndax ñu ngi ci état bi nga xamné ci lañu tabaxé kaaba ji ci pa état nombre de fois yu ko tabax ñun ñu ngi ci bi nga xamantene ni mom la ko malaaka yi tabaxoon lool wax nañ bi ni ñu ngi dugg ci histoire yi li ñu fiñu ci jëm moy tabax bi nga xamné mom la ko suñu ñaari sang yoyé di yonentu yu mag yoyé li sayyidina Ibrahim ak suñu am Ismaïl alayhi assalam tabaxoon kon nak xamna ñu yëmal doon bu leneen yoon insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين